Chapitre 2. Réveillon. La veille de Noël, tous les officiers de la frégate voulurent aller passer la nuit à terre, car après la messe, le gouverneur devait donner aux autorités civiles et militaires un réveillon suivi d'un grand bal qui se prolongerait jusqu'au jour. Don Graviel et son ami Fernando se chargèrent seuls du service à bord de la Santa Fe. Vers minuit, toutes les cloches de la ville commencèrent à carillonner. Les rues sillonnées par des milliers de torches semblaient embrasées. L'obscurité n'en était que plus épaisse dans la baie de la Havane. Les trois chefs de complot se tenaient à l'arrière de la frégate. « Les armes sont-elles dans la chaloupe ?» demanda Don Graviel au contremaître Brimborlio. « Oui, capitaine. »« Eh bien, fais embarquer tous nos gens sans bruit. Combien sont-ils en tout ?»« 50. »« Je n'ai pas pu en produire un de moins. Tous des amis, matelots achevés, enragés premier choix. » Se disent de trop, mais allons toujours. » Don Graviel avait eu soin d'expédier tous les canons encorvés pour la nuit entière. Il ne restait plus que la chaloupe et une légère yole réservée aux déserteurs. Fernando et 40 marins armés jusqu'aux dents partirent avec la première. Il déborda mystérieusement, longea les quais, non sans motif, et se perdit ensuite au milieu des bâtiments de commerce. La yole fut montée par Don Graviel, maître Brimborlio et les 10 plus robustes matelots. Un poignard en ceinture, un pistolet caché sous leurs vêtements, des biscayens estropés au bout de longs bâtons en manière de fléau, tel était l'équipement de la bande d'élite. Ils abandonnèrent la frégate à la garde de Dieu et sans canot, puis nagèrent droit au rivage, où l'on accosta dans un étroit canal situé entre deux hautes maisons. La petite embarcation, cachée par l'obscurité la plus profonde, touchait cependant le bord. Deux hommes y restèrent. En cas de malheur, ils avaient ordre de s'enfuir et de prévenir au plus vite leurs camarades de la chaloupe. « Eh bien, Brimborlio, le dé est en l'air, » disait l'enseigne. « La peste étouffe, les filles, » répondit le maître. « Cette terre me brûle les pieds. » L'église n'était pas éloignée. Les marins y pénétrèrent à la suite de Don Graviel, travesti en matelot. Ils se confondirent dans la foule sans perdre leur officier de vue. Du côté des femmes, Don Arwana occupait la place d'honneur. Dans le chœur étaient groupés Don Antonio Barzon, ses aides de camp, le commandant de la Santa Fe, les officiers de la rade, ceux de la garnison, l'intendant colonial et tous les dignitaires de la cité. « Par quelle porte sortira-t-elle ? » se demandait Don Graviel avec anxiété, tandis que maître Brimborlio continuait à maugréer tout bas contre les filles et les amoureux. Doña Juana priait dévotement, et certes, les gais propos du dernier bal étaient loin de sa mémoire. S'il eut une distraction, ce fut quand elle remarqua, bien malgré elle, que Don Graviel n'était pas venu à la messe avec son commandant. Elle en conclut qu'il était de service à bord. La fête de la Medianoche devait suivre l'office. Elle regretta peut-être l'absence du téméraire Alférez. Mais ses pensées mondaines n'effleurèrent qu'à peine son esprit. Encore se les reprocha-t-elle sévèrement en faisant son examen de conscience. Enfin, la foule s'écoula lentement. Don Antonio Barzon sortit du chœur, s'avança vers sa fille, lui offrit le bras et se dirigea vers la porte latérale. Un carrosse attendait dehors. Les officiers se pressaient en foule à la suite du gouverneur. L'issue allait être obstruée. Don Graviel fit un signe, s'ouvrit passage de vive force à travers les autorités galonnées et fut imité par ses compagnons. Une certaine confusion s'ensuivit. Les dignitaires coloniaux s'indignaient de l'insolence des rustres qui les coudoyaient, mais les rustres gagnaient du terrain. Déjà, le marquis de Las Hermanuras présentait la main à sa fille pour la faire monter en voiture, quand le bouillon Alférez le poussa rudement, enleva Juana à bras-le-corps et se prit à courir en criant « Noël !» C'était le mot de ralliement. « Au secours, aux armes, soldats et citoyens, à moi !» hurlait avec fureur Don Antonio Barzon. Les officiers tirèrent leurs épées, la garde du gouverneur croisa la baïonnette. « Noël, Noël, en avant les biscayens !» répondirent les matelots. Brimborlio et ses 8 camarades couvraient la retraite de l'enseigne. Le terrible moulinet de leur fléau enferré tenait en respect la multitude. Doña Juana, éperdue, se débattait inutilement entre les bras de son ravisseur, qui la déposa bientôt dans la yole, s'y jeta ainsi que ses gens et poussa au large. 1000 clameurs partaient du rivage où régnait un désordre inexprimable. 100 torches éclairèrent bientôt l'étroite ruelle par laquelle les marins s'étaient enfuis. Les soldats avaient chargé leurs armes, mais comment tirer? On aurait pu blesser la fille du gouverneur. La yole d'ailleurs filait comme un trait. Elle ne tarda pas à s'effacer dans l'ombre. « des canots, mort de ma vie, où je vous fais pendre à l'instant !»« Des canots, sang et tonnerre !» répétait d'une voix étourdissante l'illustrissime Don Antonio Barzone. Les officiers de marine, ceux de la Santa Fe entre autres, parcouraient les quais en cherchant des canots partout, mais la chaloupe en passant avait entraîné les uns, engravé les autres, jeté les avirons à la mer, démonté les gouvernails. Et grâce aux précautions de Don Graviel, la frégate, à qui l'on fit en vain des signaux de nuit, ne put expédier le moindre batelet à terre. Pendant que le gouverneur et tous les siens se trouvaient ainsi cloués au rivage, la yole rejoignait la chaloupe entre deux pontons abandonnés. On doit rendre cette justice à l'entreprenant Alférez que son plan est habilement combiné. L'amour, par exception à l'adage, n'a point exclu toute prudence, bien que maître Brimbolio murmure « À tous les diables, l'amour !» Don Juana, effrayé, n'avait pas encore reconnu son audacieux adorateur, qui crut devoir laisser au contre-maître le soin de la réduire au silence. La mantille de soie de la jeune fille fut également convertie en bâillon, un petit mal pour un grand bien. Don Graviel avait permis cette violence assez peu chevaleresque. Du reste, il gouvernait et n'ouvrit la bouche que quand il s'agit de donner le mot de passe à son complice Fernando, et même eut-il la précaution de contrefaire sa voix. Puis, les deux embarcations voguèrent de conserve. Les aventuriers visitèrent leurs amorces de pistolets et l'on se dirigea, toujours à la muette, vers le Capricoso. Le Capricoso n'était pas navire de guerre. Seulement, il portait sur pivot une longue pièce de 24 en bronze. Par son travers, grimaçait dans la ligne rouge une dizaine de canons en fonte de moindre calibre. De distance en distance, à l'arrière, à l'avant, jusque dans les hunes, s'épanouissaient, comme les fleurs dorées d'un parterre, bon nombre d'espingoles et de pierriers de 2 à 6 livres de balles. Le tout était merveilleusement fourbi et reluisait de la façon la plus appétissante. Le Capricoso n'était pas non plus un navire marchand, seulement il était en rapport suivi avec les gros négociants de la Havane. On l'avait vu livrer commercialement de superbes cargaisons de nègres qui, disait-on, n'avaient pas dû lui coûter cher. On assurait que son excellence Don Antonio Barzone s'intéressait paternellement aux opérations de cet estimable spéculateur dont 40 gaillards de mauvaise mine composaient l'équipage. Un certain Bertuzzi, assez mal famé dans la colonie, quoique fort bien reçu chez le gouverneur, le commandait. « Oh, de la chaloupe !» Et là, d'une voix éclatante, le capitaine Bertuzzi en personne, qui se dressa sur le couronnement. « Ronde d'officier !» répondit militairement Fernando, en longeant le brigolette illuminé de bout en bout, car les négriers aussi faisaient réveillon. Ils buvaient, dansaient, hurlaient, riant aux éclats. Le tafia coulait à flot. Et le poète de la bande, ou n'y a-t-il point un poète, improvisait une chanson de circonstance sur la capture de quelques traitants dont on avait le mois dernier pris les noirs et brûlé les navires. À la réponse rassurante du garde-marine, le capitaine Bertuzzi se recoucha nonchalamment à plapon, tout en fumant le cigare. Il attendait, le digne homme, que ses jurons en fussent au coup de couteau pour les envoyer se coucher. Mais il n'avait pas eu le temps de humer 3 bouffées que ce bord fut envahi par les 50 déserteurs de la Santa Fe. Personnellement, il se trouvait aux prises avec 4 vigoureux matelots dont le flegmatique Fernando dirigeait les mouvements. « Camarade Bertuzzi, pas de colère, je vous en prie, » disait posément le garde-marine. « Voyez ce pistolet. Si vous faites le méchant, il vous cassera la tête. » Pris au piège où tant de fois où il avait fait tomber ses confrères, le négrier pirate fut artistement garrotté, bâillonné et déposé dans la chaloupe. Inutile d'ajouter que les marins de la frégate n'avaient pas laissé à ceux du brig le temps de courir aux armes. Leurs arguments, aussi simples que celui de Fernando, eurent un égal succès. Sur les entrefaites, par les soins de Don Graviel, Donna Juana, qui maintenant pleurait à chaudes larmes, avait été enfermée dans la cabine du capitaine. Enfin, lorsqu'une bonne moitié des négriers eurent été rangés pieds et poings liés à côté du capitaine Bertuzzi, l'enseigne, dépouillant sa cape de matelot, fit briller son uniforme et s'adressa aux autres en ces termes. « Jean du Capricoso, nous sommes les plus forts et les plus nombreux. Le premier de vous qui témoignera le moindre mécontentement sera jeté à la mer avec un boulet au pied. Soyez donc sages comme des brebis. Secondement, si l'un de vous s'avise de toucher à une arme sans ma permission, il aura le droit d'être immédiatement hissé au bout de la grande vergue. D'ailleurs, vous faisiez la course avec Bertuzzi, vous la ferez avec moi. Voilà toute la différence. Range à larguer les voiles. » Bien parlé, dit maître Brimbolio en disposant son monde pour l'appareillage. La chaloupe, pleine des hommes dont les capteurs avaient jugé prudent de se débarrasser, fut abandonnée en dérive sans aviron. On leva l'ancre, on établit les voiles, et à l'aide d'une légère brise, on navigua sur l'entrée du port. Durant ces diverses opérations, l'alarme allait croissante dans la ville. L'on y battait la générale, la garnison prenait les armes. Le gouverneur avait enfin des canots à ses ordres, les officiers de terre et de mer se multipliaient, les forces se mettaient sur la défensive, des coups de canon de signaux retentissaient sur l'une et l'autre rive du port. « Maudite donzelle !» murmura maître Brimbolio. « Sans elle, pourtant, personne ne se douterait de rien. Nous filerions notre petit nœud au large, et au point du jour, on pourrait nous courir après. »« Ne me parlez pas des femmes !» répétait dogmatiquement Fernando Ribalosa. Don Graviel était trop occupé de la manœuvre pour descendre dans la cabine où l'infortuné Juana ne cessait de se lamenter, toujours sans rien comprendre à ce qui lui arrivait. L'entrevue promettait d'être délicate, elle exigeait du calme, du sang-froid, du temps surtout. D'un autre côté, la brise de terre mollissait. Le canon de la frégate se fit entendre à son tour, preuve certaine que le commandant de la Santa Fe était enfin parvenu à rejoindre son bord, la position devenait critique. « Il serait dommage de manquer l'affaire après l'avoir si bien commencé, » murmura l'enseigne. « D'autant plus que nous serions inévitablement mis au croc, » répondit maître Brimbolio. « Comme des goujons au bout d'une ligne, » ajouta le garde-marine. « Armez les avirons de galère, mes petits cœurs, » commanda Don Graviel. « Et si vous tenez à votre peau, nagez, ventre bleu, nagez, les caïmans, enlevez-moi ça comme des tigres !» Le brick goélette ne tarda pas à glisser sur la mer unie à l'aide de ses longues rames. Fernando, sans perdre de temps, faisait charger à double projectile, boulet et mitraille, toutes les pièces d'artillerie du Capricoso. Les négriers, voyant qu'on ne leur faisait aucun mal, se prêtèrent à tout de fort bonne grâce. Cependant, les embrasures du fort du Moro, sous lequel il faut nécessairement passer pour sortir, s'illuminaient peu à peu. On voyait les canonniers apprêter leurs pièces. Les murailles du fort de la Punta, qui défend également l'entrée du port, se garnissaient aussi de soldats. La frégate, la Santa Fe, sembla faire des mouvements. Les déserteurs crurent reconnaître le son de ses trompettes appelant l'équipage au poste de combat. Bientôt après, elle largua ses voiles. Tous les bâtiments légers de la station, canonnières, goélettes, patages, tartanes, se mettaient en route. Les commandements marins retentissaient d'un bout à l'autre du port. Et chose plus douloureuse encore, le bruit qu'annonçaient les avirons de la flottille de chasse devenait de plus en plus distinct. On avait à bâbord le fort du Moro, à tribord, devant et derrière, des ennemis flottants. Oh, les femmes, les filles, les mantilles, les basquines et les jupons de malheur, race de femelles damnées, perdition des hommes, engeance maudite, répétait à chaque coup de rame maître Brimbolio, qui donnait l'exemple de nager vigoureusement. Il mêlait à ses malédictions des encouragements non moins énergiques. « Nagez donc, les agneaux, » disait-il, « souquez, hardis, fermes, 1000 millions de tonnerres, ne dormons pas. Voilà une satanée canonnière qui veut nous couper la route. » Fernando, sa longue vue de nuit en main, examinait la baie et toussait à intervalles égaux. C'était sa méthode pour témoigner de l'inquiétude. Le grave garde-marine s'était spécialement chargé de la pièce à pivot qu'il pointait sur la canonnière la plus rapprochée. Quant à Don Graviel, il commençait à craindre de perdre la partie.